Ah bonjour, vous êtes là. Je ne vous avais pas vu. De Fangio à Hamilton, c'est 70 ans de joie, de rire, de pleurs, et surtout des légendes de la Formule 1 qui auront, chacune à leur manière, marqué la discipline et inspiré les générations futures. Cet éternel et infini débat de qui est le meilleur, le plus grand pilote de l'histoire, Fangio, Stewart, Lauda, Senna, Schumacher, Hamilton, Kovalainen, est-ce que c'est celui qui gagne le plus, celui qui gagne avec le plus de concurrence? Je laisse la discussion ouverte et je la fuis à grandes enjambées, parce qu'aujourd'hui, je vous propose d'entamer une nouvelle série d'émissions, non pas pour nous immiscer dans cette vaine conversation, mais pour tenter d'apprendre qui sont les candidats à ce titre honorifique de meilleur pilote. Non pas que je cherche une réponse, parce que j'ai des trucs plus intéressants à faire que d'essayer d'y répondre, comme par exemple me faire un marathon de tous les Grands Prix de Russie en version longue avec les commentaires locaux auxquels je ne comprendrai rien du tout. Mais mon but, c'est de découvrir ou redécouvrir avec vous les plus grands noms et les plus grands moments du sport à travers des figures et des moments clés. Une lourde tâche qui ne peut être qu'exhaustive et qui implique un choix très sélectif et subjectif de ce qu'il faut retenir. Mais mon but ici, c'est simplement de vous aider à mettre des visages et des événements sur des noms qui peuvent sembler parfois abstraits et en même temps contempler l'évolution du sport de ses tout débuts à aujourd'hui. Mais je n'en dis pas plus, l'émission d'aujourd'hui sera suffisamment longue comme ça. Chers amis, préparez votre TARDIS, votre bloc-notes et votre tasse de chocolat parce qu'aujourd'hui, on va commencer au commencement. À l'origine est le néant. Ni matière, ni énergie, ni même espace vide. Ouais, alors non, pas à ce point quand même. Notre épopée commence le 13 mai 1950 à Silverstone, lorsque cette nouvelle discipline qu'est la Formule 1, créée quelques années plus tôt, voit naître son tout premier championnat. Mais qu'est-ce que la Formule 1 déjà ? Eh bien, c'est un championnat de course automobile ayant la volonté de réunir les meilleurs pilotes du monde dans les meilleures voitures du monde pour se disputer sur les meilleurs grands prix du monde. Un truc plutôt ambitieux, en gros. Le championnat est alors composé de 7 épreuves en Grande-Bretagne, à Monaco, en Suisse, en Belgique, en France, en Italie et une extra-européenne aux 500 miles d'Indianapolis aux États-Unis pour appuyer la volonté d'en faire un championnat international. Les 5 premiers de chaque épreuve marquent des points, avec un point supplémentaire accordé au pilote qui fera le tour le plus rapide pendant la course. De ces 7 épreuves, seuls les 4 meilleurs résultats seront pris en compte en fin de saison pour déterminer le classement final et le pilote qui gagnera le titre de champion du monde. Le championnat est régi par le CSI, un organisme de la FIA, la Fédération Internationale de l'Automobile, mais pour faire simple, on parlera seulement de FIA pour se référer au patron du sport. Pour ceux qui ont sauté les cours d'histoire, je rappelle que nous sommes 5 ans après la Seconde Guerre mondiale. On se demande encore s'il est possible d'envoyer un être vivant dans l'espace, Georges Brassens n'a pas encore publié son premier album, la couleur n'a pas encore été inventée et le contexte social et économique n'est pas au meilleur de sa forme. Malgré les séquelles de la guerre, ce championnat n'a pas de frontières et réunit 30 équipes différentes. Et je parle d'équipes, pas de constructeurs. Certaines équipes, parfois représentées par un unique pilote roulant sous son propre nom, utilisent des voitures construites par un manufacturier. On retrouve des noms tels que Maserati, Talbot, Jaguar, Ferrari, Simca Gordini et Alfa Romeo. Et c'est justement Alfa Romeo qui domine ce tout premier championnat. C'est l'Italien Giuseppe Farina qui remporte cette toute première course en mai 1950 à Silverstone et le titre, suivi par son coéquipier l'Argentin Juan Manuel Fangio. Giuseppe Di Nino Farina est un fils de carrossier qui se passionne très jeune pour la course automobile. Il obtient un doctorat en droit avant de se consacrer entièrement à sa passion. Il est recruté par Ferrari à la fin des années 30 et gagne 3 championnats d'Italie. Et si je ne vais pas entrer dans les détails sur comment Alfa Romeo ou Ferrari sont devenus ces superpuissances de l'automobile, leurs simples noms suffisent à vous faire comprendre la passion italienne pour la course automobile, mais aussi la réussite de Farina jusque-là. Après la guerre, Giuseppe et Alfa se disputent, mais suite à la disparition des pilotes de l'équipe en 1948, le championnat de Formule 1 leur donne l'occasion de renouer les liens avec le succès que j'ai évoqué en 1950. Mais après le départ d'Alfa Romeo en 1952, et âgé de 44 ans, Farina se fatigue de la course et ne remporte plus que deux grands prix, participe à de moins en moins de courses avant d'arrêter définitivement en 1955. Les Italiens ont la course dans le sang, comme l'atteste un autre champion dans une autre équipe, Alberto Ascari, qui lui nous vient pourtant du monde du deux roues. Sa carrière s'arrête avec la Seconde Guerre mondiale, et lorsque la vie reprend normalement, il se remet lentement à la course, mais avec un tel succès que la Scuderia Ferrari le recrute et l'engage en Formule 1 à ses débuts. Il remporte un nombre record de 9 victoires et devient le premier double champion du monde de Formule 1 en 1952 et 1953, dominant avec sa voiture rouge au cheval cabré. Mais après ces deux titres, il quitte la Ferrari et rejoint la Scuderia Lancia avec un piètre succès en 1954. 1955 pourrait s'avérer comme le grand retour. Il termine deuxième et troisième de la première course en Argentine et... Oui, deuxième et troisième. Disons qu'à l'époque, le championnat incluait des épreuves d'endurance et les pilotes ils pouvaient se relayer pendant les Grands Prix. Et vu qu'il avait roulé pour les deux Ferrari pendant la course, il a terminé deuxième et troisième à la fois, avec ses autres coéquipiers qui partagent tous le podium et qui se partagent les points. Non mais cherche pas à comprendre. Il entrevoit la victoire à Monaco lorsque Stirling Moss abandonne, mais il glisse sur une flaque d'huile et termine sa course dans la mer. Sauvé de la noyade, Ascari se sent désormais invincible, lui qui était effroyablement superstitieux. Lui qui prenait toujours le même casque bleu pour piloter et qui refusait de courir les 26 du mois, jour où son père aussi pilote était mort, n'a pas peur, le 26 mai 1955, de monter dans sa Ferrari sans son casque fétiche pour prendre part à des essais privés à Monza. Mais à peine a-t-il le temps de s'échauffer que pour des raisons obscures, il perd le contrôle dans une chicane. Alberto Ascari meurt, quittant prématurément le monde de la Formule 1, avec un palmarès déjà impressionnant, riche de 2 titres, 13 victoires, 14 pole positions, 17 podiums en 32 départs. En son hommage, la chicane de son crash portera son nom. C'est une perte tragique pour le sport, pour les tifosi et pour son équipe, la Scuderia Ferrari. Ancien pilote pour Alfa Romeo dans les années 20, Enzo Ferrari se reconvertit peu à peu dans la direction des équipes sportives de la marque et crée une équipe à son nom en 1929. La Scuderia Ferrari devient alors une sous-filière d'Alfa Romeo pour la représenter en course automobile jusqu'à ce que Ferrari veuille prendre son indépendance à la fin des années 30. L'équipe prend part à quelques courses de Formule 1 au début du championnat à partir du Grand Prix de Monaco en 1950 et devient la première équipe à arrêter le règne victorieux de Alfa Romeo en gagnant le Grand Prix de Grande-Bretagne. En 52 et 53, Ascari remporte les deux premiers titres de Ferrari et les premiers non Alfa Romeo. Mais 54 et 55 sont plus difficiles et la mort de Ascari semble annoncer l'apocalypse pour l'écurie italienne. Mais après 2 ans de domination, Mercedes quitte la Formule 1, tout comme Lancia, un autre constructeur italien qui faisait beaucoup d'ombre à Ferrari et qui lui cède ses redoutables modèles, les D50. Comble du bonheur, Fangio vient même rejoindre l'équipe et gagner le titre en 56. Mais l'Argentin ne s'entend pas du tout avec Enzo Ferrari et il part pour Maserati en 57. Ce titre de Fangio en 56 n'apporte hélas aucune consolation, car les voitures qu'utilise Ferrari commencent à dater. Ils engagent toujours les D50 de Lancia conçus en 54 sans préparer le futur. À vrai dire, cette joie n'était qu'un faux espoir. En 58, l'anglais Mike Hawthorn gagne le titre pilote pour Ferrari, mais quitte le sport juste après. En cours de saison, Luigi Musso et Peter Collins, deux de ses coéquipiers, sont morts en piste. Ferrari continue de souffrir avec la montée des équipes britanniques comme Van Wall, Cooper ou Lotus, et le sort continue de s'acharner sur l'équipe. En 62, leurs pilotes, l'américain Phil Hill et l'allemand Wolfgang von Trips, luttent pour le titre. Si Ferrari est assuré de gagner, le titre sera entaché par l'accident mortel de von Trips, tuant aussi 15 spectateurs. Après cela, John Surtees prendra son unique titre en 64 et deviendra l'unique pilote à gagner un titre sur 4 et 2 roues, tandis que la Scuderia Ferrari coule lentement, perdue dans des innovations moteurs et en retard face aux prodiges aérodynamiques des Britanniques. Déjà 15 ans que la Formule 1 existe et tout semble déjà si différent. Nous avons parlé de deux grands champions des années 50. Si les succès de Farina furent brefs et ceux d'Ascari interrompus par sa disparition tragique, ils laisseront leur empreinte de pionniers dans la discipline. Nous avons aussi évoqué une écurie qui va marquer l'histoire de la Formule 1 et qu'on aura l'occasion de revoir. Mais maintenant, il faut parler de l'éléphant dans la pièce, comme disent les Anglais. Non, mais je parle pas de moi. Je parle de celui qui a dominé cette décennie et qui, pendant plus de 50 ans, détiendra ce titre de plus grand pilote de l'histoire, Juan Manuel Fangio. Issu d'une famille modeste, Juan Manuel Fangio est un Argentin qui vient en Europe en 1949 et se fait recruter par Alfa Romeo. Après avoir échoué d'un rien face à son équipier Farina pour le titre en 50, il domine la saison 51. Si l'Italien est féroce, Fangio semble avoir un talent et un instinct bien au-delà de n'importe quel pilote. Grand Prix de Monaco 1950, Fangio menait le Grand Prix lorsqu'il vit de l'eau sur la piste et l'évita sagement. Derrière lui, Farina ne la vit pas et perdit le contrôle, causant un carambolage. Le tour d'après, Fangio évite calmement les autres carcasses empilées autour de Farina. L'Argentin n'avait pas vu le crash et ne pouvait pas savoir qu'il devait ralentir en arrivant sur les lieux de l'accident, mais il avait remarqué que les spectateurs ne le regardaient pas arriver car ils avaient tous les yeux fixés au loin et ce seul détail avait suffi à lui faire comprendre que quelque chose n'allait pas. Et oui, à l'époque, le seul drapeau rouge qu'on voyait à Monaco, c'est celui qui interdisait la baignade. Lorsque Alfa Romeo quitte la Formule 1 après son titre en 52 pour cause budgétaire, Fangio rejoint Maserati mais se blesse en début de saison et doit revenir plus fort en 53 mais, impuissant face à la Ferrari d'Ascari, il doit attendre 54 pour revenir plus fort. L'histoire regrettera la disparition de l'Italien tant Fangio et lui auraient pu offrir une rivalité légendaire. Pour beaucoup, Ascari était le seul à être capable de rouler plus vite que Fangio. Sa plus grande force était de pouvoir partir en tête, s'envoler en quelques tours et gérer son rythme de loin. A contrario, Ascari perdait pied dans le peloton, là où Fangio semblait le plus complet des deux. L'opposition de leurs personnages était aussi intéressante. Ascari était ce monsieur rondouillard, souriant, bon vivant et très latin. Fangio était une machine. Aussi large, sinon plus large que Ascari, mais plus carré. Pas souriant, mais impassible. Les yeux bleus, le regard froid et déterminé, presque effrayant. Une machine aussi bien humainement que dans la voiture, une machine à gagner. En 1954, Fangio est contacté par Mercedes qui souhaite s'inscrire en courte saison et veut le recruter. Fangio est impatient de rouler de nouveau pour la firme à l'étoile avec laquelle il avait déjà roulé dans d'autres disciplines, mais il commence la saison chez Maserati avant de rejoindre les Mercedes et gagner son second titre de champion du monde en ayant roulé pour deux équipes différentes en une seule saison. Fangio est à la hauteur de sa réputation, nul ne lui arrive à la cheville. La saison 55 s'ouvre avec son Grand Prix national en Argentine, une de ces quelques manches de course d'endurance où les pilotes peuvent se relayer pour parcourir les 375 km de cette course sous une chaleur intense. Ce sera une promenade de santé pour Fangio qui gagne cette course seul, haut la main, avec tout juste une goutte de sueur sur le front, et c'est ainsi qu'il gagne son troisième titre. Suite à un drame aux 24 heures du Mans, Mercedes se retire du sport automobile et Fangio part chez Ferrari en 56 et la saison résulte en une conclusion inattendue à Monza. Fangio abandonne et son équipier et rival pour le titre, Peter Collins, décide de s'arrêter pour donner sa voiture à Fangio et lui laisser le titre, estimant que ce dernier le méritait davantage que lui. Ouais, je sais ce que tu penses, ouais. C'est beau. Malgré son admiration pour le pilote, Enzo Ferrari ne supportait plus Fangio. Son caractère froid, évasif, l'irritait et a causé de nombreuses disputes. Jean Manu retourne chez Maserati en 57 et continue de déprimer ses rivaux. Victoire en Argentine, à Monaco, à Reims avec des pneus détruits, et il remporte une de ses plus belles et sa dernière course en Allemagne au Nordschleife. Lorsqu'il entame le dernier tour du tracé long de 20 km, l'Argentin a 35 secondes de retard sur les Ferrari de Mike Hawthorn et Peter Collins. Grâce à un pilotage d'exception, Fangio vient prouver ce que signifie la dénomination honorifique de meilleur pilote du monde en remontant, dépassant et gagnant la course avec 3 secondes d'avance sur Hawthorn. « Je n'arriverai plus jamais à rouler aussi vite », dit-il après ce Grand Prix, laissant à travers cette histoire et son 5e titre en fin de saison une gigantesque trace indélébile dans l'histoire du sport auto avant de mettre un terme à sa carrière en fin d'année. Il prendra part à quelques Grands Prix en 58, plus pour s'amuser, n'ayant plus le même appétit et la certitude que sa monoplace n'est plus au niveau. Pour son dernier Grand Prix à Reims en 58, il sent le manque de puissance dans les lignes droites et voit Mike Hawthorn s'apprêtant à lui prendre un tour. Mais l'Anglais termine la course juste derrière lui et lorsqu'on lui demande pourquoi il ne l'a pas doublé, Hawthorn répond « On ne prend pas un tour à Fangio ». Oh purée, j'ai plus de flashback. Fangio, c'est le boss du game et il faut désormais lui trouver un successeur. Et encore, dit-on, faudrait-il seulement réussir un jour à l'égaler. La Formule 1 s'ouvre vers une révolution dans les années 60. Le barème décerne désormais 9 points au vainqueur contre 8 auparavant et le point du meilleur tour ne sera plus décerné, mais un point sera donné au pilote qui termine 6e. Les cylindrées passent de 2,5 litres à 1,5 avant de repasser à 3 litres en 1966 pour affirmer son statut de catégorie reine. Et jusque-là, je vous parlais d'hommes d'exception qui pilotaient des machines d'exception. Mais ce qui fait le prestige de la Formule 1, bah, c'est aussi ces machines. D'ailleurs, on en reconnaît l'importance et on encourage leur compétitivité en récompensant, à partir de 1958, le championnat constructeur. Je parlais plutôt des constructeurs britanniques de plus en plus dominants alors que les Italiens sombraient dans les soucis financiers. Et comme un symbole, ce premier titre constructeur est gagné par les Anglais avec Van Wall, puis Cooper en 59 et 60. Alors je pourrais parler de tous ces grands garagistes qui naissent en Formule 1, mais aussi bien par souci de durée que pour ma santé mentale déjà bien fatiguée, je vais réduire mon choix à seulement quelques noms qui marqueront profondément le sport et qui méritent que nous nous y intéressions. Nous sommes toujours dans les années 60, et après la retraite de Fangio, c'est l'Australien Jack Brabham qui commence à dominer la discipline avec 2 titres consécutifs en 59 et 60 avec Cooper. Écurie qui révolutionne le sport avec l'innovation des moteurs arrière que tout le monde finira par imiter. Après les 5 titres de l'Argentin, les 3 cumulés par les Italiens de Farina et Ascari et celui de Mike Hawthorn en 58, Brabham représente un nouveau continent en Formule 1 et contribue à sa popularité dans le monde. En gagnant le Grand Prix de Nouvelle-Zélande, il servira d'inspiration à un jeune pilote local de tout juste 22 ans, Bruce McLaren. Bruce est un enfant atypique et très aimé. Né avec la maladie de Perth, une déformation de la hanche, c'est un ingénieur de génie et aussi un pilote redoutable, ce que Brabham constate par lui-même en voyant McLaren gagner la même course dans une autre catégorie. L'Australien l'aide à rejoindre l'écurie Cooper en Formule 2 avant d'être rapidement promu en Formule 1. Brabham était mécanicien dans l'armée de l'air australienne et lui aussi était un technicien brillant et son alliance avec McLaren chez Cooper en 59 contribue à ses 2 premiers titres tandis que Bruce gagne ses 3 premières victoires, devenant le plus jeune vainqueur de l'histoire et tiendra ce record pendant plus de 40 ans. Au début des années 60, Jack et Bruce décident de réaliser leur rêve de fonder leur propre équipe. Jack fonde Motor Racing Development et crée ses voitures de course, puis l'écurie Brabham en 62. L'Américain Dan Gurney prend ses deux premiers succès et Brabham gagne pour la première fois avec son équipe en 64, devenant ainsi le premier pilote de l'histoire à gagner une course avec une voiture à son nom et de sa conception, puis à gagner son troisième titre avec en 66 et devenir le premier et unique pilote de l'histoire à gagner un titre avec une de ses voitures. Hélas, Bruce McLaren ne connaîtra pas le même succès dans ses voitures. Comme Brabham l'avait fait en 62, il crée Bruce McLaren Motor Racing en 63, mais avec un projet plus ambitieux, réussir au Tasman Series en Océanie et au Can-Am, au championnat nord-américain, que Bruce gagnera deux fois avant de s'inscrire enfin en Formule 1 en 66. En 68, il gagne la première course de son équipe lors du Grand Prix de Belgique et devient, après Brabham, le second et dernier pilote a remporté une course avec sa propre voiture à son nom. Son équipier Denny Hulm gagne deux courses cette saison et pointe même son nez dans la lutte au titre. Je ne vais point vous faire l'affront de vous parler de l'impact que laissera la Formule 1 à l'écurie de Bruce McLaren, surtout que, comme vous pouvez l'imaginer, on aura l'occasion d'en reparler. Et si l'équipe de Jack Brabham ne marquera pas autant l'histoire, vous pouvez vous attendre à ce qu'on continue de l'entendre gagner pendant quelques temps ici. Mais si cet exploit établi par les deux amis marque l'histoire, les années 60 sont surtout marquées par un autre garagiste, un des plus féroces rivaux des Brabham, McLaren, Cooper et autres Ferrari. C'est l'équipe d'un homme aussi fou que brillant qui va à de multiples reprises changer la face de Formule 1. Oh oui, chers spectateurs passionnés d'histoire, je parle bien de ce béret et de cette moustache de Colin Chapman. Dream, dream, dream when I want you. In my arms when I want you. Anthony Colin Bruce Chapman, ACBC, couramment nommé Colin Chapman, est un ancien ingénieur anglais de la Royal Air Force. Avec des compétences ingénériques très avancées, il parvient à s'imposer progressivement dans les années 60. Pour revenir à Monsieur Ferrari, ce dernier ne jurait que par l'adage « L'aérodynamisme, c'est pour ceux qui ne savent pas faire des moteurs ». Pense à insérer une blague facile et prévisible sur la SF1000 au montage. Mais cet adage devient obsolète au fil des victoires de Chapman et des difficultés de Ferrari. En effet, de plus en plus, on vient rouler sur des circuits permanents, abandonnant ces tracés urbains ou de campagne inutilement dangereux et contraignants. Au fil de cette transition, on se rend compte que compromettre la vitesse en ligne droite pour aller plus vite en virage est bien plus efficace que ce que beaucoup pouvaient le penser. Les inventions absurdes et folles de Chapman sont souvent moquées avant d'être imitées par ses rivaux. Il invente la première F1 monocoque, la première F1 à moteur porteur et n'a pas peur du ridicule. Ainsi, il choque tout le monde en 68 en arrivant avec une livrée non pas aux couleurs de son pays, mais aux couleurs d'une marque de tabac. Chapman avait cherché des sponsors et s'est proposé de jouer le rôle de pancarte mobile en échange de financement et abandonne sa livrée verte à bandes jaunes. Et ça ne s'arrête pas là avec ses innovations, il va jusqu'à placer des ailettes d'avion sur ses voitures. C'est absolument moche et ridicule, sauf quand on humilie la concurrence avec. Élaborer des fonds plats gigantesques pour créer un tunnel Venturi pour créer un effet de sol qui colle la F1 sur la piste, c'est aussi insolite qu'efficace. Mais au que non, Chapman ne va pas se faire que des admirateurs. Ses voitures sont parmi les plus dangereuses de l'histoire, comptant un grand nombre de blessés et de morts, que ce soit à cause de la vitesse des voitures en virage ou par manque de fiabilité. Cela n'empêche que Lotus est et sera une des plus grandes équipes de l'histoire. Première victoire avec Stirling Moss, puis des succès avec 7 champions du monde, dont deux des plus grands de cette ère, Graham Hill qui gagna 4 courses pour Chapman et Jim Clark qui prendra 25 des 81 succès de l'équipe. Yesterday, all my troubles seemed so far away. Jim Clark est probablement un des personnages les plus aimés du paddock. Mais méfiez-vous de ce petit garçon timide venu de la campagne écossaise, car il est aussi gentil que rapide. Et croyez-moi, il est très, très gentil. Pourtant, Après des débuts encourageants en 60 et une première victoire hors championnat à Pau, Clark est au cœur d'un scandale en 61 suite à la collision qui tua Wolfgang von Trips et 15 spectateurs. Des accusations difficiles à digérer pour Clark, mais qui fait son blabla en piste en s'illustrant course après course, et après que le destin lui est privé de ses chances de gagner le titre en 62, il écrase tout signe de concurrence en 63 avec un nombre record de 7 victoires en 10 courses et son premier titre. Seul Ascari demeure encore à ce jour le pilote avec le meilleur ratio de victoires avec 6 sur 8 manches de gagnées en 52. Se crée alors une savoureuse rivalité entre lui et Graham Hill, où les deux, en plus de dominer les premières places, s'amusent à se chamailler publiquement tout en trahissant une incroyable complicité qui ravit les fans. Non pas qu'il n'y ait pas d'autres talents remarquables en piste, mais soyez assurés que les spectateurs payent leur ticket soit pour voir le discret et super rapide Clark, soit pour voir l'irrésistible et charismatique Hill s'illustrer, ajoutant chacun une dimension humaine à ce sport si surhumain. Clark faisait ses débuts à 24 ans. Au même âge, Graham Hill était un humble horloger qui passait son temps libre dans son club d'aviron et venait tout juste d'avoir son permis de conduire. Il lut une annonce d'un pilote qui louait sa Cooper pour 25 shillings le tour. Bon, pour la faire courte, après un seul tour, il a tout abandonné pour devenir pilote professionnel. Issu d'un milieu modeste, Hill doit économiser pour s'approcher de son nouveau rêve, surtout que, vous l'avez compris, sa vocation est venue très tardivement. À force de traîner sur les circuits en tant que mécanicien, forçant la main pour avoir le droit de rouler occasionnellement, il rencontre Colin Chapman lorsqu'il fondait Lotus et il l'engage comme pilote en Formule 1 en 1958. Mais lassé par le manque de fiabilité, Hill s'enfuit et rejoint BRM en 60. Entre erreur et manque de fiabilité, les résultats tardent à venir avant que tout ne s'aligne en 62, ce qui lui permet de gagner le titre mondial, couronnant un parcours atypique, même pour l'époque. Favori en 63, Hill devra se mesurer pour de bon à Clark. C'est là que le monde commence à se passionner pour ses personnages. Ayant commencé tardivement, le paddock s'amuse à surnommer Hill le vieux. De son côté, Jimmy gagne le surnom de Mr. Smooth, tant son pilotage est doux, fluide, instinctif et trahit une parfaite symbiose avec les Lotus de Chapman. Et c'est là tout son secret, non pas une capacité à rouler plus vite que les autres, juste de parfaitement sentir où se trouve la limite de sa voiture et de l'adhérence. De savoir jusqu'où il peut pousser sa voiture sans l'abîmer, sans commettre d'erreur et sans perdre un millième de seconde. Pour tous, Clark est le digne successeur de Fangio et devient très vite le nom et le visage qui représente la Formule 1 en s'attisant la sympathie des fans et l'admiration des plus jeunes. C'est lui, le nouvel homme le plus rapide du monde, et pourtant, il est tellement différent des autres pilotes. Entre deux grands prix, il ne part pas vivre la belle vie à toute vitesse pour dépenser son honorable salaire de pilote dans une vie luxueuse, mais retourne vivre dans ses montagnes écossaises, à la ferme, en famille, ou avec ses moutons, mais coupés du monde. Pour ce qui est de la personnalité de Hill, elle est aux antipodes de Clark, ce qui contribue au charme de cette rivalité. Hill voulait devenir comédien, sauter quelques années, et vous jurerez que c'est un membre pivot de la troupe des Monty Python. Lors d'un repas, lorsqu'on demanda à Hill s'il avait un mot à dire sur son échec au mondial face à Clark, il posa élégamment sa fourchette, son couteau, se leva avec humilité et déclara « Merde !» et il se rassit. You've travelled most of the way this season behind Jim Clark Graham. What would you say is his most outstanding characteristic as a racing driver? Well, I think getting across the line first. It's a bit irritating, actually. Do you, seriously now, next year, change of formula, bigger engines, what does this mean to the firm of Hill and Clark? Jimmy, unfortunately, has got to use one of our engines, so just to show there's no ill feeling, I'm personally going to assemble his. En 64, le voilà favori pour le titre, lors de la dernière manche face à Clark et John Surtees dans sa Ferrari. mais Clark souffre de malchance et Hill se fait percuter par l'autre Ferrari de Lorenzo Bandini, ce qui offre le titre à Surtees. Bien qu'énoncer ces faits semble entacher le titre de Surtees, Hill refuse de blâmer Bandini, affirmant qu'il ne peut pas croire que cet incident était volontaire ou prémédité et salue la prestation de Surtees, perdant de nouveau avec élégance. En 65, Clark remporte son 4e Grand Prix de Belgique. Pourtant un tracé qu'il déteste tant il le considère comme dangereux, comme l'atteste le nombre de victimes que le tracé de Spa-Francorchamps a causé. Clark conclut la saison avec un second titre mondial, battant une nouvelle fois Hill parti chez BRM et mis à mal par son débutant de coéquipier, Jackie Stewart, qui s'invita dans la lutte au titre. Clark a déjà battu le record du nombre de 25 victoires et encore, ne vous amusez pas à calculer toutes les courses qu'il a perdues à cause du manque de fiabilité de sa Lotus. C'est d'ailleurs, de plus en plus, un motif de dispute avec son ami Colin Chapman. Outre les victoires perdues, plus le temps passe et plus il craint un problème mécanique qui pourrait s'avérer fatal. Pour ne rien arranger, la nouvelle réglementation de 66 a fortement handicapé Lotus, mais cela ne l'empêche pas d'apprécier autant la course et de participer à toutes les épreuves auxquelles il peut participer. S'il sera un des 5 seuls champions de Formule 1 à gagner les 500 miles d'Indianapolis, il participe aussi à d'autres championnats et sera notamment le seul triple champion des Tasman Series en Nouvelle-Zélande. La saison 68 commence très bien pour Jimmy, qui gagne la manche d'ouverture en Afrique du Sud, avant de s'envoler en Allemagne pour prendre part à une course de Formule 2 sur le tracé d'Hockenheim. Une nouvelle démonstration de talent dans cette catégorie, et qui émerveille le public toujours plus nombreux pour le soutenir, et surprend les chargés du relevé chronométrique et de la fiche des temps. Mais leurs expressions de stupeur font place à l'inquiétude lorsqu'on constate qu'ils ne passent plus par la ligne de départ-arrivée. Jusqu'à ce que résonne une voix solennelle dans les haut-parleurs du circuit. Le silence. Les assourdissants moteurs de Formule 2 semblent silencieux, distants. Jim Clark mort ? Non, pas ce prodige du pilotage. Non, c'est une erreur, c'est impossible. Pourtant, Graham Hill est quant à lui bien confronté à la réalité lorsqu'il vient aider à dégager les restes de l'épave de sa Lotus encastrée dans un arbre. Jim Clark n'est plus ce gentil et timide écossais, cet inséparable ami du trio magique qu'il formait avec Hill et Stewart, ni même ce brillant, intrépide et irréprochable talent, mais juste un nom qui vient s'ajouter à la liste des disparus du sport auto. Une liste qui semble devenir trop longue. Au milieu de tous ces noms quasi anonymes pour la majorité, il y a celui qui fait, qui faisait, tant rêver ses pairs et les amateurs. La mort en Formule 1 ne serait donc pas une triste conséquence réservée à ceux dont le talent n'était pas à la hauteur des exigences du sport ? Car si le meilleur pilote du monde peut mourir en Formule 1, cela voudrait donc dire que n'importe qui peut aussi y laisser la vie. Yesterday, Jim Clark, racing driver Jim Clark, was killed in Germany. I believe he was a friend of yours. He was a good friend of mine, Peter, and I think, you know, I'm very sad about it, and everyone involved in motorsport all around the world will be very sad. He was a very fine driver, wasn't he? Yeah, I think one of the greatest, perhaps the greatest yet. En 72 départs, son palmarès de 35 pole positions et 32 podiums dont 25 victoires demeure encore à ce jour un palier que peu peuvent se vanter d'approcher et son nombre record de 8 grands chelems, courses menées de bout en bout avec pole position, meilleur tour et victoire, demeure une cible lointaine et presque intouchable. Ces chiffres impressionnants assureront que son nom reste à jamais gravé parmi les meilleurs de la discipline et la toute nouvelle chicane du tracé d'Hockenheim portera le nom de Clark jusqu'à la rénovation du circuit dans les années 2000. Pour Chapman, c'est un choc. Il perd son meilleur pilote, son meilleur ami et ne sera plus jamais le même après cela. Revenu chez Lotus, Graham Hill reprend le flambeau et porte l'équipe vers le haut en gagnant son second titre mondial cette année-là. « Jackie Stewart voyait en son compatriote un ami et un mentor. Clark est le deuxième meilleur pilote de tous les temps après Fangio, continue-t-il de défendre aujourd'hui. Stewart, qui avait lancé un combat pour la sécurité des pilotes en 1966, perdait en ce mois d'avril un de ses plus proches amis et meilleurs rivaux. Après des débuts brillants en 1965, c'est sur lui que reposent les espoirs des fans de Formule 1, ayant rapidement rejoint Hill et Clark comme l'élite du sport à la personnalité atypique. Et il vit à la hauteur des espérances quelques mois plus tard lors du Grand Prix d'Allemagne 68 sur le tracé de la Nordschleife qu'il surnomme l'Enfer Vert tant ce tracé est dangereux. Comble du comble, la pluie dantesque qui s'abat sur le tracé avant le départ quintuple les risques. Sixième sur la grille, Jackie pilote brillamment et prend la tête de la course et ne la lâchera jamais pour gagner avec 4 minutes d'avance sur Graham Hill et Jürgen Rindt. Une statistique qui parle d'elle-même. Pourtant, quand Stewart rentre au garage après avoir gagné, il a le regard grave. Il regarde son équipe venue le féliciter et demande quel nom il doit pleurer aujourd'hui. Mais lorsqu'il apprend qu'aucune victime n'est à déplorer, il peut célébrer la plus belle victoire de sa carrière et poursuivre sur sa lancée en 69 pour remporter son tout premier titre. Jackie devient le nouveau visage de la Formule 1, avec la mission d'en faire un sport moins dangereux. Un autre homme marqué par le décès de Clark qui était en piste lors de cette tragique course de F2 à Hockenheim se dénomme Max Mosley. Le Britannique décidait à son tour de militer pour la sécurité. Avec les découvertes technologiques et aérodynamiques, les Formule 1 vont plus vite que jamais et les circuits ne sont plus adaptés. Mais lorsque les pilotes déplorent les risques, les organisateurs leur répondent que s'ils ont peur de mourir, ils n'ont qu'à rouler moins vite. Ils ne comprennent pas. Cette réflexion remplie d'ignorance encourage Mosley à vouloir devenir un jour la plus haute autorité du sport pour faire en sorte que, peu importe les circonstances, peu importe la violence d'un accident, jamais un pilote ne puisse se blesser lors d'une course automobile. Mosley a compris qu'il n'était pas fait pour être pilote de course professionnel en partageant les circuits de monstres tels que Clark, Stewart ou Hill, mais il continue de s'accrocher à la F1 et s'allie avec d'autres amis pour créer l'écurie March. Avec la popularisation de la télévision et de la discipline, les pilotes deviennent de plus en plus des superstars. En tant que grands champions charismatiques, Jackie et Graham sont idolâtrés par des milliers de fans et inspirent de futures générations. Mais une autre superstar de l'époque, quoique excentrée du monde très britannique et ouest-européen de la Formule 1, c'est un étrange européen du nom de Jürgen Rindt. Je suis sûr que j'ai écorché son nom. Venu d'un monde où la simple culture de l'automobile est inexistante, Jürgen est l'enfant sauvage des paddocks, ayant grandi sans ses parents, qu'il a perdu très tôt pendant la guerre. Il a hérité à ses 18 ans de la petite fortune familiale et a décidé de se lancer dans la course automobile à l'âge de 22 ans. En 69, Rindt est recruté par Colin Chapman qui, comme beaucoup, voit en lui l'héritier de Jim Clark. Mais à l'inverse du timide et gentil écossais, l'Autrichien a une voix et sait la faire entendre et ira même refuser de piloter certaines des Lotus qu'il jugeait trop dangereuses. Autant dire que la relation entre Chapman et Rindt va être explosive car le génial ingénieur britannique est plus focalisé sur la performance que sur la fiabilité et encore moins sur la sécurité. Pour exemple, le Grand Prix d'Espagne, où les Lotus sont victimes de leurs ailerons arrière qui se détachent, et Hill et Rindt se crachent au départ dans le même virage. Rindt se casse le nez et la mâchoire, et doit observer plusieurs semaines de repos. Il rejoint Stewart dans son combat pour la sécurité des circuits contre des organisateurs, bien contents de récolter les bénéfices des ventes de tickets, sans devoir déverser un centime pour l'entretien des pistes. And down to the Parabolica they come. Ken Stewart holds the line. On this, the last lap, somebody's challenging. It's Rindt going through. Jochen Rindt takes the lead at the Parabolica on the last corner of the last lap. It's Beltoise taking the lead. And it's going to be a French matter to win. It must be. It's over the line together. And it's almost a dead heat. It's Jackie Stewart, Rich Beltoise and McLaren. Nobody has ever seen the finish of a motor race like that. Rindt envisage de partir, mais en plus de la performance de la Lotus qui lui offre sa première victoire, Chapman lui propose un contrat plus lucratif pour la saison 70. Mais Rindt déchante très vite. Peu friand de sa Lotus 49, il termine 13e en Afrique du Sud et abandonne en Espagne. Perdu dans le peloton à Monaco, il remonte contre son gré au fil des abandons. La course est un carnage. Mais lorsqu'il se rend compte qu'il est deuxième à 15 secondes de Jack Brabham, Rindt attaque, que dis-je, vole, dans les rues monégasques et revient sur l'Australien. Impuissant, le triple champion du monde échoue à retenir la Lotus derrière lui et commet une erreur dans le tout dernier virage du dernier tour. Et on arrive au dernier freinage au gavomètre. Voyez, Rindt a fait le maximum, il a bloqué. Oh, c'est pas vrai! C'est pas vrai! Brabham a bloqué ses roues au gazomètre. Et Rindt est passé. C'est pas croyable. Rindt remporte son second succès en Formule 1 et comprend qu'il a entre les mains une machine redoutable. Après un abandon en Belgique, voilà qu'il gagne aux Pays-Bas, puis en France, puis en Angleterre, puis en Allemagne. Et au final, la Formule 1, c'est plutôt cool. Formule 1 à présent. Le pilote Bruce McLaren est mort au volant de l'une de ses voitures lors de tests à Goodwood. 2 ans après la disparition de Jim Clark, le sport automobile perd une autre de ses plus belles étoiles. Encore une autre. Bruce McLaren testait sa nouvelle création en préparation du championnat de Can-Am lorsque l'arrière de sa monoplace s'envolait en pleine ligne droite à 275 km/h. 4 victoires en Formule 1, une aux 24 heures du Mans, des records de précocité presque impossibles à effacer, Bruce laisse un vide douloureux au monde de l'automobile, au sein de son équipe, et un nom qui marquera l'histoire à jamais. Les pilotes du monde entier se retrouvent le 21 juin, 3 semaines après ses obsèques, pour celle de Piers Courage, tué lors du Grand Prix des Pays-Bas. Courage était le meilleur ami de Rindt, qui peinera à se remettre de ce drame. C'est une habitude dans les paddocks. On va rouler avec ses amis le dimanche et le lundi, on va les enterrer. C'en est trop pour les pilotes qui se réunissent sous le nom du GPDA, l'association des pilotes créée en 1961 par Stirling Moss et Joe Bonnier. En tant que président, Jackie Stewart demande à ce que tous les pilotes s'unissent pour exiger des améliorations sur le tracé du Nordschleife qui se tiendra en août. Avec ses 187 virages, il est considéré comme le plus difficile, mais aussi le plus dangereux du monde. Jürgen Rindt est assigné par les pilotes pour marcher autour du circuit avec les organisateurs et leur dire ce qu'ils doivent changer. Mais les organisateurs refusent de faire quoi que ce soit. Les coûts engendrés seraient trop élevés pour eux. Stewart demande aux pilotes de parler d'une seule voix pour exiger le transfert du Grand Prix d'Allemagne sur le tracé de Hockenheim et bénéficie de l'appui de la voix puissante de Jack Brabham, le vétéran du plateau. Cela contribue à ce que la FIA accepte cette demande. Les pilotes voulaient marquer un grand coup et c'est réussi parce que le tracé du Nordschleife faisait partie de l'ADN du sport et cette annulation est fortement symbolique, car si même le Nordschleife peut être annulé, alors tous les circuits du monde en courent le même risque s'ils ne prennent pas les devants. C'est une grande victoire pour les pilotes dans leur quête de sécurité, mais le combat vient juste de démarrer et il est loin d'être gagné. En 20 ans d'existence, la Formule 1 a commis beaucoup de meurtres. En ce mercredi 18 juin, le championnat de course automobile, la Formule 1 compte sa première tragédie. Le Britannique de 29 ans, Cameron Hurl, a perdu la vie lors d'une séance quelques semaines après sa chute dans la mer à Monaco. Le champion du monde Alberto Ascari est tragédie en Formule 1. Il s'agit du pilote Ferrari anglais Luigi Collins, est mort ce week-end. Américain est mort au volant de sa Brabham. Pilote italien, le pilote néerlandais mortel Wolfgang von Trips, le Mexicain Ricardo suite à la mort de Lorenzo Bandini, les pas et sont désormais interdits sur les circuits de Formule 1. Joe Schlesser, le néo-zélandais Bruce McLaren est mort. Il s'agit de l'anglais Piers Courage, accident au volant de sa Williams. Jochen Rindt est mort ce samedi 5 septembre 1970. Le pilote autrichien était victime d'un grave accident lors de la séance de qualification du Grand Prix d'Italie à Monza. Victime d'un problème mécanique, son Lotus 72 a percuté les rails à plus de 300 km/h. Deux mois plus tard, Jochen Rindt devient le seul et, espérons à jamais, unique pilote sacré à titre posthume. Sa femme Nina recevra son trophée remis par Jackie Stewart. Superstar en Formule 1, animateur de sa propre émission en Autriche, Rindt inspirera à lui seul un nombre incalculable de ses compatriotes à suivre les pas de la Formule 1. Il avait prévu de quitter la discipline en fin d'année, très certainement pour entamer un nouveau projet avec son ami et manager Bernie Ecclestone. L'étrange Anglais se lancera donc seul dans ce nouveau projet, le rachat de l'écurie de Jack Brabham parti à la retraite. Avec 3 titres, Brabham est alors le pilote le plus titré derrière les 5 de Fangio et représente à lui seul un palier à franchir, tout comme ses 126 participations, 14 victoires, 31 podiums et 13 pole positions, sans parler de l'exploit jamais égalé de gagner un titre avec sa propre écurie. Pourtant, à cause de sa personnalité réservée et son pilotage discret, Brabham restera un champion moins populaire que d'autres auprès des fans, mais cependant un des plus admirés parmi ses pairs. Suite à la disparition de Rindt, Jackie Stewart dit adieu à un de ses plus proches amis. Si les organisateurs italiens avaient eu un personnel médical et des infrastructures adaptées, il est persuadé que Rindt aurait pu récupérer ce trophée qu'il méritait tant en fin d'année. Il est encore en pleurs lorsque la qualification reprend. Il enregistre, selon lui, un des meilleurs tours de qualification de sa carrière et retourne au garage, exprimer une colère rare et démesurée. Et rien ne saurait mieux décrire l'incompréhensible état d'esprit des pilotes de course. Dès l'instant que la visière est baissée, le monde extérieur n'existe plus. De son côté, Graham Hill, revenu chez Lotus en 67, remporte cette funeste saison 68 et commence la saison 69 avec force, bien qu'il semble perdre de sa superbe, se faisant dominer par Rindt. Mais le 6 octobre 69, sa carrière connaît un moment décisif à Watkins Glen. Roulant avec des pneus expérimentaux de Firestone, il part en tête à queue et cale. Il pousse sa voiture pour la redémarrer et repart sans attacher sa ceinture. Quelques mètres plus loin, son pneu arrière explose et il part en tonneau. Éjecté de sa voiture, il se brise le genou. Malgré plus de 10 ans en compétition, Graham aime trop la Formule 1 pour arrêter et revient en 70 dans le fond de gris. Mais on sent qu'il n'est plus le même sur la piste. En dehors de la piste, en revanche, rien n'a changé. Lorsqu'on lui demanda de passer un message à sa femme lorsqu'il était à l'hôpital suite à son crash, il a répondu « Dites-lui que je ne pourrai pas danser pendant 2 semaines ». Il décide de créer son équipe en 73, engageant des châssis Shadow, puis Lola. En 75, il est humilié à Monaco, tracé qu'il remporta 5 fois en échouant à se qualifier. Il prend sa retraite quelques mois plus tard à Silverstone. Si beaucoup lui reprochent de ne pas avoir su s'arrêter au moment qui aurait fait le plus justice à son nom, Hill s'en moquait. Il a fait ce qu'il aimait jusqu'au bout, parti de rien. Il est désormais le pilote à avoir pris le plus de départs en Formule 1, avec 176 Grands Prix d'expérience. Il peut se vanter d'avoir partagé les circuits avec Juan Manuel Fangio, Jack Brabham, Niki Lauda et bien sûr Jackie Stewart et Jim Clark. Une des personnalités les plus appréciées et marquantes de l'histoire de la F1, qui aura inscrit 14 victoires, dont 5 à Monaco, record qui sera battu une seule fois en 93. 13 pole positions et 2 titres de champion du monde et restera le seul pilote à avoir le titre honorifique de la triple couronne en gagnant le Grand Prix de Monaco, les 24 heures du Mans et les 500 miles d'Indianapolis. En 71, Stewart rejoint Tyrrell et écrase le championnat avec pratiquement 2 fois plus de points que son poursuivant, le nouveau et surprenant super suédois Ronnie Peterson. Mais malgré la brillance de Peterson, Jackie s'émerveille davantage pour son jeune coéquipier, François Sévère. Le pilote français a une énorme cote de popularité dans le paddock. Jeune, sympathique, beau garçon, bien élevé et très rapide sur la piste. What do you think about Emerson as a pilot? Who? Emerson Fittipaldi. Who? You know the guy who won the world championship? Oh, yes! Une année difficile pour les Tyrrell en 72 et pour Stewart qui a perdu tout instinct de combativité. Il continue par passion, mais avec un immense sentiment de vide à l'intérieur, et il échoue dans la lutte au titre face à Colin Chapman et son nouveau champion, le Brésilien Emerson Fittipaldi. En 73, Jackie décide de relever une dernière fois le challenge. Il se donne cette toute dernière saison pour gagner un autre titre, car il se promet d'arrêter en fin d'année. Fittipaldi est en route pour mener une nouvelle lutte intense face à Stewart, mais il se blesse en essai privé. Il laisse donc le champ libre à l'Écossais pour dominer le championnat, mais ce dernier n'a pas matière à se réjouir dans une nouvelle année noire pour le sport. Pour la troisième manche en Afrique du Sud, Claire Egazzoni est victime d'un crash où il demeure inconscient dans sa BRM en feu. Heureusement, Mike Haywood, impliqué dans l'incident, le sort de sa voiture et lui sauve la vie. Mais le débutant Roger Williamson n'aura pas cette chance au Grand Prix des Pays-Bas. Sa voiture s'est retournée et seul David Purley s'arrêtera pour essayer de le sauver des flammes. Impuissant, les commissaires ne l'aident pas, n'étant pas équipés de combinaisons ineffugiées. Jackie remporte cette course et en retirant son casque, la simple odeur qui a envahi l'atmosphère lui fait ressentir toute l'horreur qu'il a passée toute la course à ignorer chaque fois que lui et les autres pilotes passaient devant la carcasse de la voiture de Williamson. Inconcevable aujourd'hui, mais on n'arrêtait pas une course avant. Et l'instinct des pilotes dépassait leur bon sens, même si ça pouvait sauver une vie. Le Grand Prix des États-Unis à Watkins Glen, qui voyait en 71 la seule victoire de Sévère, sera le 100e et dernier départ de Stewart. Un record que peu réussissent à cette époque avec seulement une petite dizaine de courses par saison. Mais lors de la qualification, Sévère perd le contrôle de sa Tyrrell qui s'envole dans les airs, se retourne et si le bas de la voiture passe au-dessus des rails, le haut de la voiture et la tête du pilote sont arrêtés net par le rail. Tant de débris que les pilotes ne peuvent plus rouler, et Jody Scheckter est le premier à arriver pour le secourir. Il appelle les autres pilotes et les commissaires à l'aide, mais comprend que son comportement irrationnel n'est dû qu'à l'horreur de la scène. Il n'y a rien à sauver sur la dépouille de François Sévère. Cette fois, il n'y a plus la visière derrière laquelle se cacher. Le paddock est sous le choc, aussi bien par la boucherie de l'accident que la perte d'un jeune homme si populaire et charismatique. Stewart ne prend pas à la course et quitte la Formule 1 avec son troisième et dernier titre en ayant établi des records qui perdureront pendant des années. Il ne participera plus jamais à la moindre course automobile, mais son nom restera à jamais gravé, non seulement comme un immense champion, mais aussi comme le premier pilote à partir en croisade contre les organisateurs pour l'amélioration des conditions de sécurité. Au fil des années, les réservoirs d'essence sont renforcés pour éviter les incendies. Les pilotes doivent porter des casques intégraux, des ceintures de sécurité et des combinaisons ineffugées, les spectateurs sont éloignés des bords de la piste, du sable est ajouté devant les rails et de plus en plus de commissaires observent les bords de la piste pendant les courses. J'aurais été un champion du monde bien plus populaire si j'avais toujours dit ce que les gens voulaient entendre. Je serais peut-être mort, mais certainement plus populaire. Le double champion du monde de Formule 1 Graham Hill est mort ce 29 novembre 1975, victime d'un crash aux commandes de son avion privé, accompagné de son protégé Tony Brise, avec lequel il revenait d'une séance d'essai. Le monde de la Formule 1 est en deuil et nos pensées vont vers sa femme Elizabeth, ses deux filles et son fils Damon. Graham, we're delighted to have you with us tonight. Looking at racing cars, it seemed to me that they look less and less like cars to me and more like planes with these sort of aerofoil arrangements at the back here at the front. Does it mean that you're generating so much power now from the engines that in fact you've got to have this sort of arrangement, otherwise the thing is just going to take off? Well, I personally don't generate that sort of power, but the I have my moments, but . une grande partie de l'histoire extrêmement condensée, mais qui, je l'espère, vous aura permis de vous familiariser ou vous replonger dans les premières heures du sport. Ces premières années nous aident à mieux comprendre le sport aujourd'hui et surtout à apprécier l'héritage laissé par les héros de jadis. De l'incroyable domination de Fangio, des débuts de l'empire de Ferrari et McLaren, de l'aura mystique de figures telles que Graham Hill ou Jürgen Rindt, qui va donner une personnalité et une aura au sport qui va fasciner de plus en plus de monde, aux conséquences de la disparition de la légende que fut Jim Clark et les premières lueurs d'espoir laissées par le combat pour la sécurité mené par Jackie Stewart, qui verra de plus en plus de fidèles. Il nous reste encore beaucoup de mythes à explorer, de l'accident dramatique et héroïque de Niki Lauda, des saisons incroyables comme 1976 ou 1982, de la rivalité entre Alain Prost et Ayrton Senna, et même de guerres politiques qui vont redéfinir la Formule 1, mais nous allons garder tout ça pour de prochaines histoires sans fin.